بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc l'explication, la lecture et l'explication de ce livre très bénéfique, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On est arrivé à la parole de l'auteur, Babun min ash-shirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Le chapitre, il fait partie du polythéisme, le fait que l'individu veuille par ses œuvres la dunya. Le fait que l'individu veuille la dunya par ses œuvres. Et ensuite, l'auteur, il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, donc dans Surat Hud, le verset 15 et 16. Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Et donc il nous dit, donc on cite la parole d'Allah, donc dans les sens, la traduction des sens, ceux qui désirent la vie d'ici-bas, ceux qui désirent la vie d'ici-bas, ainsi que ces délices. Alors nous leur accordons pleinement, leurs œuvres, donc les œuvres de la vie d'ici-bas, ainsi que les délices liés à cela. Et on ne va rien leur diminuer. Donc ceux qui veulent la vie d'ici-bas, ils auront pleinement leur part, et on ne va rien leur diminuer. Et ensuite, il nous dit à part la Ta'ala, Oulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Et donc, ceux-là sont ceux qui, dans l'au-delà, n'auront que le feu. Ils n'auront rien d'autre en dehors du feu. Et ce qu'ils ont accompli deviendra vain. Et ce qu'ils ont fait est caduque. Et donc, ici, barakallahu fikoum. Ici, l'auteur, il nous montre, premièrement, l'importance du fait que nos œuvres soient vouées à Allah tabaraka wa ta'ala, et le danger du shirk. Le danger du fait de vouloir la dunya par nos œuvres. Subhanallah. On avait déjà vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui accomplit un acte par lequel on obtient la satisfaction d'Allah, mais qui l'accomplit pour la dunya. La yuridu biha illa dunya. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait cela ne sortira pas l'odeur du paradis. Et donc, il est important que lorsqu'on fasse quelque chose, on le fasse pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu viens, tu aides la mosquée, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas pour que tes frères te fassent tes éloges. Tu viens, tu fais des actes d'adoration, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas pour rechercher les éloges des êtres humains ou une place ici-bas, etc., etc. Pareil pour les études. C'est pas pour avoir de l'argent, pour ci, pour ça. Non. C'est pour être profitable à toi, ainsi qu'aux gens. Mais ce n'est pas pour rechercher des délices de ce bas monde. Le cheikh Obed al-Jaberi, rahimahullah, il nous dit ici que, il nous montre ici le fait que, cet acte, ou que cette intention, va contredire le monothéisme pur, le tawhid. Et il nous dit aussi qu'il y a en cela une ressemblance au kuffar, aux incroyants. Pourquoi ? Parce que les incroyants, lorsqu'ils vont accomplir des actes, ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas faire cela pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cela, c'est pour la dunya. Ils font leurs actes pour la dunya, pour obtenir un poste, etc., etc., etc. Ou pour faire avancer leur groupe, etc. Mais le croyant, lui, il est important que lorsqu'il accomplit un acte d'adoration ou un acte qui peut l'aider à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il le fasse pour Allah. Et ensuite, il nous dit aussi, il nous dit, man kana qasduhu wa hammuhu tahsil ad-dunya wa laysa lahu ma'rab diniy wa kanat al-makasib ad-dunyawiyya wasilatan ilay fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yu'tihi fiha man yasha ma yu'tihi fiha aw yu'ti fiha man yasha ajilan aw ajila thawabihi. Et donc il dit, celui qui désire, celui dont son désir, son intention, et toute son intention, elle est tournée vers la dunya, et que il n'a pas en réalité de désir religieux, mais que les agissements qu'il va faire dans cette dunya sont un moyen vers ses objectifs. Alors celui-ci, Allah va lui donner ce qu'il veut ici. Ben, il va lui donner la dunya. Il va lui donner cette dunya. Afin que cette personne ne lui soit pas fait injustice. Que cette personne ait pleinement ce qu'elle désirait. Et lorsqu'elle arrive dans l'au-delà, elle ne demande pas pourquoi j'ai pas telle chose. Tout a été donné dans la dunya. Tout ce que tu voulais. Maintenant, dans l'au-delà, la chose que tu auras, c'est le feu. C'est le feu. Et donc il est important, barakallahu fikoum, vraiment, comme on avait dit la dernière fois, ce sujet-là, c'est un sujet qui touche qui? Qui touche es-salihoun, les pieux. C'est pas un sujet qui va toucher le dealer, le braqueur, les voleurs, etc. C'est quelque chose qui va toucher les gens qui viennent à la mosquée. Les gens qui vont chercher à se rapprocher d'Allah. Et qu'ensuite leur intention va changer, etc. Et donc, les savants, ils appellent ça « der ou salihin », la maladie des pieux. Et donc, il est important qu'on craigne cela. Ensuite, cela ne concerne pas que les actes d'adoration. Le cheikh Oubaid al-Jabiri nous cite ici aussi. Il nous dit « Yajibu ala al-muslim an yukhlisa lillahi ibadatahu, sawa'an kanat al-ibadatu a'idatan ala nafsihi kassalati, ou a'idatan ala ummatihi mithl. » التعليم والطب وغير ذلك من الأمور الدنيوية فيجب عليه أن يجمع فيها بين الإخلاص لله وبين منفعة عباد الله. Et donc il nous dit, il est obligatoire aux croyants d'accorder un culte exclusif à Allah dans l'adoration, que ce soit dans un acte d'adoration. Excusez-moi, il est donc obligatoire que le musulman accorde à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif. Que ce soit dans une adoration qui revient à sa propre personne, comme la prière. L'adoration, c'est une adoration qui ne concerne que toi-même. Ou alors, un acte qui va être profitable à toute la communauté, tel que l'enseignement, ou la médecine, ou autre que cela parmi les sujets mondains. Il lui est obligatoire de rassembler, d'unir son intention pour Allah, et le fait d'être profitable aux serviteurs d'Allah. Car certes, cela fait partie de l'entraide dans la piété et donc la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important. Ensuite, il nous dit إنه جعل تعيينه في هذه الوظيفة وسيلة وليست غاية. Car cette personne-là, elle a fait en sorte que sa nomination dans ce travail, dans cette fonction qu'elle a, soit un moyen, c'est-à-dire un moyen pour être profitable aux gens. Mais ce n'est pas un objectif. C'est ça la différence. Ton objectif, ce n'est pas que tu aies telle et telle fonction, que tu sois patron, etc., etc. Non, c'est un moyen que tu as pour être profitable aux musulmans. Tu as réussi, Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné les moyens d'avoir tel et tel emploi. Alors, saisis cette opportunité qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordée pour être profitable à l'islam et aux musulmans. Mais ne fais pas en sorte que cet emploi que tu as soit un objectif. Ce n'est pas un objectif. Afin que ce bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé ne te serve que ici-bas. Non, utilise-le aussi pour l'au-delà. Et comme ça, tu prends des hasanettes même dans ton travail. Même dans ton travail, tu prends des hasanettes. L'auteur qui nous cite, qui nous dit ensuite, wa fi sahih, et dans al-sahih, c'est-à-dire ici, sahih al-Bukhari. An Abi Hurayrata radiallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu khamisa, ta'isa abdu khamila, in u'atiya radi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wa intakas, wa idha shika falan takash. Il dit sallallahu donc dans le sahih selon Abi Hurayrata radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit donc selon l'explication ta'isa donc il est perdu et d'autres savants nous disent que c'est une invocation le prophète qui invoque contre cette personne que l'adorateur du dinar soit perdu. Que l'adorateur du dirham soit perdu, soit voué à sa perte. Que l'adorateur de l'khamisa, l'khamisa c'est un vêtement aussi. Que l'adorateur de l'khamila aussi, c'est aussi un autre vêtement de luxe. Que les adorateurs de cette dunya soient perdus. Et donc, lorsqu'on lui donne, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit qui est l'adorateur de dinar, l'adorateur du dirham, il nous explique qui il est. Et il dit, lorsqu'on lui donne, il est satisfait. Mais lorsqu'on ne lui donne pas, alors, il est courroucé, il est énervé. Il nous dit, ça c'est l'adorateur de Dunya, l'adorateur du dirham. Taïsewan takas. Qu'il soit perdu. Et donc il est perdu et il se retourne contre lui-même. Il se fait du mal à lui-même. Par contre, lorsqu'une épine le pique, alors il n'arrive pas à trouver de quoi retirer cette épine. À chaque fois qu'un mal le pique dans cette dunya, tellement il aime la dunya, il n'arrive pas à faire face, il n'arrive pas à mettre ça de côté, ça fait partie du destin. Et Allah Tabaraka, il sait très bien que tout ce qui lui arrive, c'est parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a décrété. Non, lui, il est tellement accroché à la dunya que tout mal qui le touche, il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas. Et donc, c'est comme une épine qui est toujours là. Tu n'arrives pas à l'enlever. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Touba li abdin, akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. » Annoncer la bonne nouvelle à un serviteur qui prend son cheval dans le sentier d'Allah. Ash'atha ra'suhu murabbaratan murabbaratin qadamah. Et donc, ses cheveux sont ébouriffés. Il est dans une situation difficile. Ses cheveux sont ébouriffés et ses deux pieds sont remplis de poussière. In kana fil hirasati kana fil hirasa. Si on le place en tant que donc en tant que gardien, en tant que garde, alors il est garde. Il est satisfait du poste qu'on lui a donné. Et si on lui donne la responsabilité d'abreuver les combattants, d'abreuver les soldats, alors il abreuve les soldats. Il est satisfait du poste qu'on lui a donné parce qu'il est dans le sentier d'Allah. Peu importe le poste qu'on lui donne, il est satisfait. Il n'est pas comme celui qui veut la dunya, que si on lui donne ça, il est satisfait, si on ne lui donne pas ça, il n'est pas satisfait. Lui là, il est satisfait de ce qu'on lui donne. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'il veut être dans le sentier d'Allah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit encore plus cette personne. Il dit, il ista'dhana lam yu'dhan lahu. S'il demande la permission, on ne lui donne pas. S'il demande la permission, on ne lui donne pas. Et s'il vient intercéder pour quelqu'un, on ne va pas l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas, elle n'a pas un rang important. C'est une personne qui n'est pas connue. Elle n'est pas connue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, bonne nouvelle pour celui-là. Parce que lui, il ne veut pas la dunya, il n'est pas connu. Mais il est satisfait de ce qu'il a tant qu'il est dans le sentier d'Allah. Pareillement pour la mosquée, les frères. C'est la même chose. On est à la mosquée. La mosquée, c'est une voie parmi les voies d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sois satisfait de ce que tu as. Sois satisfait de ce qui t'a été accordé. Tu as la capacité de faire du khair. Tu as la capacité de faire du bien. Sois satisfait, alhamdoulilah. Le prophète nous dit, si on le donne, si sa fonction, c'est d'abreuver les gens, alors sa fonction, c'est d'abreuver les gens. Si sa fonction, c'est d'être gardien, alors sa fonction, c'est d'être garde. Il y en a aujourd'hui, si tu leur demandes, « Ahri, changer les ampoules, Ahri, si le ménage... » Ah non, non, non, non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je veux être dans la direction. Pourquoi ici, celui qui fait le ménage, il n'est pas bien? Pourtant, cette femme qui faisait le ménage, El Mar'atu Sauda, la femme noire, qui nettoyait la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est morte, et que les compagnons n'ont pas annoncé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mort de cette femme, il les a blâmés par rapport à cela. Il les a blâmés par rapport à cela. Et ensuite, il est allé prier sur sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam, parce que cette femme, elle nettoyait la mosquée. Et donc, il est important, oh, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on ne méprise pas les actes de bien. Tu ne sais pas quelle est l'action qui va te mener au paradis. Tu ne sais pas quelle est l'action qui va être la cause que tu sois sauvé de l'enfer. Sois satisfait de ce qui t'a été accordé. Et aussi, il y a une réplique à cela, les savants nous disent, une réplique à qui? Aux khawarij de notre époque. On a vu pendant le séminaire la croyance des Khawarij. Une des spécificités des Khawarij, les frères, si vous vous rappelez. Ou alors on n'a pas encore fait les révisions. Non, critiquer le gouverneur. Ah, parmi les spécificités des Khawarij, le fait de se rebeller contre le gouverneur. Le fait de se rebeller contre le gouverneur. Et le fait de se rebeller contre les gouverneurs, à notre époque, pour des sujets mondains. Argent, ah mais pourquoi c'est lui qui a l'argent? Ah mais pourquoi c'est eux qui ont tel poste? Et pourquoi c'est pas nous? Nous aussi on aimerait bien avoir tel poste, etc., etc. Ils nous disent, les savants, cette personne à qui on a demandé d'être garde ou alors de responsable d'abreuver les gens, c'est qui lui a donné ce poste? C'est le gouverneur. Puisque là, on est en train de parler de l'armée, là. C'est le gouverneur qui lui a donné ce poste. Et cette personne a accepté ce poste. Elle ne se plaint pas, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle ne veut pas la dounia. Elle veut l'au-delà. Et donc, elle est satisfaite de ce qu'elle a. Mais elle recherche l'au-delà. Et c'est comme ça que nous devons être. Peu importe le bien que tu as la capacité de faire, tu le fais. Et tu ne te plains pas. Parce que ce que tu veux faire, c'est faire du bien. Ce que tu veux, c'est le paradis. Ensuite, il y a un point important, barakallahu fikoum, les frères, c'est que la dounia, lorsqu'elle est dans ta main, c'est un grand bienfait. Tu peux l'utiliser pour faire du bien, pour aider les gens, pour aider ta religion. Lorsqu'elle est dans ta main, la dounia, c'est-à-dire lorsque tu as du moyen, mais que cette dounia n'est pas arrivée à ton cœur. L'argent que tu as n'est pas arrivé dans ton cœur, tu n'aimes pas ça. Mais Allah te l'a donné, donc cet argent est dans ta main. Par contre, lorsque la dounia est dans ton cœur, alors là, c'est très difficile. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait d'avoir cette dounia dans le cœur. L'adorateur du dinar, l'adorateur du dirham, celui qui va délaisser ses obligations religieuses pour de l'argent. Délaisser ses obligations religieuses pour de l'argent. Nous ne devons pas être comme ça. L'argent ne doit pas être dans notre cœur, mais dans ta main. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'argent devrait être pour tous comme les toilettes. Les toilettes, tu n'y penses pas toute la journée. Les toilettes, tu y penses quand tu en as besoin. L'argent, c'est pareil. Tu penses à l'argent quand tu en as besoin. Ah, il y a besoin d'acheter ça pour la maison. Là, tu penses à l'argent. Mais penser à l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un grand mal. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Comment je vais faire pour gagner ça? Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Comment... Yahri, Allah Azza wa Jalla te dit, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dans le ciel, il y a votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Tout ce qui vous a été promis. Ça a déjà été écrit. Fais les causes et ne te préoccupe pas trop la tête. Fais les causes. Invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça ne sert à rien de trop se faire mal à la tête. Comment ça? Comment si? Comment? Comment? Comment? Pourquoi est-ce que pour la religion, on ne se pose pas toutes ces questions? Comment est-ce que je veux faire pour apprendre? Comment est-ce que je veux faire pour évoluer? Comment est-ce que je peux faire pour si? Mais par contre, pour de l'argent, on peut passer des nuits blanches à réfléchir. Très bien, Inch'Allah. Je voulais prendre un autre chapitre. Mais on verra ça, bi'idhnillah, la semaine prochaine, concernant le fait d'obéir les savants et les gouverneurs dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. On verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa faqallah al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Voilà, Ali, on s'en vient, jazakumullah khairan.